blanche et la nuit, c'était pour les brunes. Le monde est fou, fou, fou, fou, fou, le monde est fou. Ce soir, couche, c'est bizarre, et bien sûr, j'ai dit bizarre. Ce soir, j'ai la certitude, certitude dans ma solitude. Le monde est fou, fou, fou, fou, fou, le monde est fou. Le monde est fou, fou, fou, fou, fou, c'est pour des sous. Les chevaux sont automobiles. Les filles se sont maquillées, étranglées en garçon manqué. Le monde est fou, fou, fou, fou, fou. Le monde est fou. Le cours du dollar à Londres. Les hommes préfèrent les blondes. Dr. Jekyll, Mr. Hyde, Frankenstein et Bonnie and Clyde. Le monde est fou, fou, fou, fou, fou. Le monde est fou. Le monde est fou, fou, fou, fou, fou. C'est pour les sous. Fuck.